Je vais revenir sur les affaires de Boisclair, entre autres avec son ancien chef de cabinet. Je sais que tu en as parlé hier, au sujet de Luc Doré, D-O-R-A-Y. Michel Hébert et Yves Chartrand du Journal de Québec ont fouillé un petit peu plus les affaires au cours des dernières heures. Le chef de cabinet de Boisclair qui fraudait le gouvernement pour s'acheter de la cocaïne. Et moi, je te fais un pari. Si tu retrouves les comptes de dépenses, ils sont signés par Boisclair, parce que le chef de cabinet, traditionnellement, fait signer ses comptes de dépenses par son ministre. Ah oui, hein? Ben là, on apprend que maintenant, il y a eu une poursuite au civil pour qu'il paye les 29 500 $ qu'il avait fraudé, parce qu'en cours criminel, on lui avait dit qu'il faut que tu rembourses ça, puis comme il ne remboursait pas, là, il y a eu une procédure au civil, et là, on enlève l'argent de son salaire, on fait une saisie de salaire. Il travaille maintenant pour la ville de Montréal. On dit que la fraude est survenue entre 96 et 98, au moment où il était directeur de cabinet d'André Boisclair, qui lui était ministre de l'Immigration et aux relations avec les citoyens dans la gang Lucien Bouchard. Hein? Il y avait une enquête de la Sûreté du Québec. Luc Doré avait falsifié des factures pour son compte de dépenses. Facture de 540 $ par mois pour un loyer qui appartenait à quelqu'un d'autre. Il disait qu'il fallait qu'il paye 540 $ de loyer. Puis c'est pas lui qui te payait, c'est l'autre. C'était probablement un autre. Deux notes, écoute ça, deux notes de 380 $ au Petit Bedon. Tu sais, le Petit Bedon? Hey, le Petit Bedon, c'est un trou. Hot dog. À hot dog. Puis à hot dog graisseux. Ben oui. C'est là que Robert Gillard a fait la publicité pendant des années. Il finissait ses nuits-là. Au Petit Bedon, 380 $ deux fois de facture. Je ne sais pas s'il y avait un compte ouvert quand ça arrivait à 380. L'autre, il disait, OK, est-ce que tant que tu me payes, là? C'est peut-être ça. Hey, le Petit Bedon, c'est un lunch counter au coin de Charest. La Couronne et Charest. Et Charest, ou Dorchester et Charest. Juste devant le Wonder Bra. Ouais. 5800. C'était le casse-croûte du Québec clochard, ça. Ben oui. Ben oui. Monsieur a déjà arrêté là quand j'étais jeune, là, puis un soir, on avait pris 2-3 heures du matin, après une coupe d'autres deuil, puis on rentrait. Ouais. 5800 $ pour 34 repas au bistrot Saint-Denis à Montréal. Lors de son procès, Luc Doré avait admis devant la cour avoir un gros problème de dépendance à la cocaïne et à l'alcool. Il était le chef de cabinet de Boisclair et il utilisait son compte de dépenses du gouvernement pour s'acheter de la cocaïne. Il travaille maintenant à la ville de Montréal. Il n'a pas voulu faire aucun commentaire. Tu vois pas que ça commence à se rapprocher de Boisclair pas mal? Pour rien qu'un peu. Kate Moss a été congédiée de deux autres entreprises où elle faisait des guili-guili. Mais qu'est-ce qu'il y trouve à cette fille-là? C'est la mannequin anorexique classique. C'est épouvantable. Mais ça, j'avais cru remarquer que les mannequins étaient un petit peu moins anorexiques qu'ils l'ont été. Là. Et la police britannique confirme qu'elle a ouvert une enquête sur sa consommation de cocaïne, parce que c'est un crime en Angleterre de consommer de la cocaïne. Ben, je pensais qu'ici aussi. Ici, c'est un crime seulement pour ceux qui sont fédéralistes. Pour ceux qui sont séparatistes, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais avec la chronique de ben, Foglia? Foglia, faut dire. Foglia. Les Italiens ne prononcent pas. Le G est muet devant le L, comme bottiglia. Ah ouais? Bouteille, bottiglia. Foglia. Le G disparaît. Oui. Ben, maudit, j'ai appris de quoi aujourd'hui? Monsieur, il parle de Boisclair, puis il fait un petit lien qui est amusant. Ben, lui, c'est sûr que Foglia, ben, je connais pas ses habitudes, là. Qu'est-ce qu'il fait dans ses soirées? Je sais que c'est un cycliste, mais à part ça. Il dit la dope la plus dommageable pour la société de loin reste l'alcool. Mais c'est parce qu'il fait un lien qui est amusant. Écoute bien. Il me revient qu'un premier ministre écrabouilla une nuit un robineux couché. Il est vrai en plein milieu de la rue. On teint le robineux responsable de son malheur. Au premier ministre, on reprocha seulement de conduire lui-même sa voiture et l'on passa rapidement sur ses facultés affaiblies par les 5 ou 6 verres de vin qu'il avouait avoir consommés. On lui fit un procès bien moins infamant que celui que l'on fait présentement à M. Boisclair, qui n'a tué personne que je sache. Ça n'a pas rapport. René Lévesque violait son permis de conduire, qui le forçait à conduire avec des lunettes. Il ne portait pas ses lunettes. Il était sous. comprends pas. Il me le fait gagner. Faut croire que lui, la coke, c'est pas si pire que ça. Faut croire que pour lui, la coke, c'est pas si pire que ça. Pourquoi on agit ainsi? Imaginez que ce serait Jean Charest qui aurait pris de la coke. Stéphane Dupont est en ligne. Stéphane, bonjour. Bonjour, André. Tu t'es inscrit à Harvard ou t'as juste téléphoné? J'ai seulement appelé. Je pense que moi, obtenir une inscription là serait assez difficile parce que pour s'inscrire au cours de Master Public Administration, le master, c'est la maîtrise là, en administration publique, un cours qui, semble-t-il, peut se donner en une seule année. Je pense qu'il se donne à des niveaux différents. On peut le suivre sur 4 ans, on peut le suivre sur 1 an, mais c'est pas évidemment la même charge de cours. Ça prend 4 années d'études collégiales américaines. J'ai eu de la difficulté à comprendre le pendant canadien. La réceptionniste au registraire de l'Université Harvard, à qui j'ai parlé, a eu de la difficulté à me l'expliquer. On a peut-être eu un peu de misère à se comprendre là-dessus, là. Les degrés n'étant pas les grades n'étant pas les mêmes, là. Ouais. Alors, En somme, c'est un petit diplôme de complaisance qu'on ramasse en quelques mois si on est une personnalité connue qui a été recommandée par les amis de la maison. Ben, une chose étonnante... D'après moi, ça serait plutôt, là, on appellerait ça ici, là, Stéphane, un certificat. Je pense que oui. Là-bas, ils appellent ça, eux autres, un Master Public Administration. En tout cas, ce que je peux vous dire sur André Boisclair, c'est qu'il a effectivement commencé l'école en septembre 2004 à Harvard, dans la branche de l'école d'administration. Il a reçu son diplôme au mois de juin 2005, donc il y a quelques mois à peine, après même pas une année complète d'études. Ça semble être le cheminement normal, malgré, comme je vous dis, quand il y a eu vraiment de la confusion dans notre conversation hier, parce que la fille a dit, je lui ai expliqué un peu qui était Boisclair, pourquoi j'appelais, et elle me dit, ça prend 4 années d'études. Mais j'ai dit, gars, tu viens de me dire 2004 à 2005. Elle dit, c'est vrai qu'il y a des cas d'exception. Mais elle dit, il est effectivement diplômé. Et dans une entrevue que Boisclair a fait, il y a une entrevue extrêmement complaisante que Boisclair a fait avec Richard Martineau au Franc-Tireur. Il a dit que c'est sa période d'études à Harvard lui a permis de côtoyer les grands de ce monde, que beaucoup d'étudiants étaient là à cause de leur argent. Donc, il a très clairement spécifié qu'il y avait deux méthodes d'entrée à cette école-là, soit d'être un excellent étudiant puis d'avoir atteint les exigences, ou d'avoir un excellent portefeuille. On a oublié les bons joueurs de hockey aussi. Ah, ben sûrement aussi. Alors, c'est ce qu'il a confirmé. Est-ce que les gens de Harvard t'ont dit en quelle langue on enseigne au MPA? Ben, André, c'est... j'ai même pas posé la question. André, il y a que l'anglais là-bas. Là. Ben, voici un homme qui passe une maîtrise en anglais en moins d'un an et qui est pas capable de répondre à des questions en anglais au Québec quand on l'interroge. Il refuse. Qu'est-ce qui se passe, là? Et souvent, l'anglais parlé ou compris est la première étape d'un apprentissage en anglais. L'anglais écrit et l'anglais lu vient par la suite. Ou souvent, en tout cas, je regarde autour de moi, on va parler ou on va comprendre mieux l'anglais qu'on va souvent le lire à la vitesse qu'on va le lire, surtout et surtout l'écrire. Alors, comment il a fait pour compléter des études en étant gêné? Il a rédigé des examens, il a préparé des travaux qui ont été jugés satisfaisants, et il dit qu'il est pas à l'aise en anglais et qu'il veut pas répondre aux questions. Ou bien c'est un raciste, ou bien c'est un menteur. C'est drôle. Merci Stéphane. T'as rien, André. Tu t'es pas inscrit. Non, pas vraiment. Je sais pas, c'est à 37 ans, il reste quelque chose à faire avec moi. Ils n'ont pas une garderie pour les enfants? Sûrement qu'ils ont leur pénitentiaire. Ils doivent avoir un petit pénitencier sur le nom de la bâtisse, là. Sûrement. Pour garder les enfants détenus pendant que les parents s'amusent. Sûrement, André. Salut. Salut. Il a fait quoi avec ses enfants, finalement? Sont-ils encore à l'école publique? Oui, ils sont encore à l'école publique. Il attend un callback de Montessori. OK. Gaëtan, il dit, quand je fréquentais l'école Aviron, on déjeunait au Petit Bedon. Pour 3 piastres, on avait 2 œufs, bacon, patates, rôti, café. Pour un étudiant, c'était l'idéal. Par contre, quand on entrait au Petit Bedon le matin, c'était pas rare de voir du monde sous mort. De la veille, ouais. Autre message, celui de Michel, qui signe, il s'est signé, là, il dit, « Dans mes folles années de jeunesse, je me rappelle d'avoir été souvent au Petit Bedon pour me procurer de la cocaïne. Ah ouais. Oups. Oups. Ben, on vous dit qu'il était bien situé pour ça. Là. Ouais.